FrenchPod.com. Allô? Allô Stéphanie, ça va? Salut Christelle, ça va et toi? Allume la télé et mets M6, tu vas voir. Désolée, je suis pas chez moi, je peux pas regarder la télé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un reportage sur le premier jour des soldes qui est en train de passer. Tu vas pas en croire tes oreilles. Tu sais qu'il y a des gens qui ont fait la queue pendant plus de 3 heures en attendant l'ouverture des grands magasins? C'est pas vrai, 3 heures? Oui, les journalistes ont tout filmé. Ah, si tu voyais ces furies se précipiter, tout ça pour obtenir un sac de marque, c'est d'un ridicule. Bah, faut quand même reconnaître qu'on peut faire de bonnes affaires pendant les soldes. C'est vrai, mais de là à se lever à 5h du matin pour faire les magasins quand même. Ouais, mais c'est pas non plus tous les jours que tu peux avoir moins 60% ou moins 70% sur un vêtement. Ouais. Mais au fait, tu m'as dit que t'étais pas chez toi. T'es où? Moi? Je me promène. Désolé, mademoiselle. Mais je l'avais pris avant vous, ce t-shirt. Ouais, mais vous l'avez reposé. Christelle, je te rappelle.